Comment dites-vous « je le prépare » ? Lo preparo. Lo preparo. Donc, ça, c'est le présent. Pour le passé, nous avons déjà vu le passé avec plongeoir. Maintenant, nous allons parler d'un autre temps du passé, que nous avons vu aussi, mais assez rapidement. C'est l'imparfait ou le temps des longueurs. Imaginez que vous êtes dans une piscine et que vous faites des longueurs. C'est une action qui se répète. Et le temps qu'on emploie pour parler d'une action qui se répétait dans le passé, c'est l'imparfait. Par exemple, j'allais à la piscine tous les dimanches. Je préparais le déjeuner quand ma mère était occupée, etc. En italien, pour les verbes en are, ce temps des longueurs est exprimé par la terminaison avo, pour la forme qui correspond à je. Par exemple, je parlais se dit parlavo. Pour il, elle ou le vous du vouvoiement, ça donnerait parla. Parlava. Parlava, c'est ça. Et c'est ce parlava qui vous sert de point de départ pour former le il ou le elle pluriel, avec à la place de ava, la terminaison avano. Donc, il parlait au pluriel donne parlava. Parlavano. Non, on insiste sur la même syllabe dans les deux cas. Parlavano. Parlavano, voilà, oui. Le ava du singulier vous mène au avano du pluriel. Parlavano. Voyons maintenant le tu, tu. À votre avis, comment dit-on tu parlais? La terminaison est la même qu'au présent, c'est-à-dire I. Parlavi. Parlavi. Bien. On a donc un I pour tu. Parlavi. Et pour voi, à votre avis? Parlavate. C'est ça. À la fin de la forme qui correspond à voi, on a ate à l'imparfait, tout comme au présent. Parlate. Parlavate. Et pour la forme qui correspond à nous, parlavamo. Parlavamo, oui. Là, nous avons vu le temps des longueurs d'un verbe en are, parlare. Maintenant, voyons un autre verbe, vendere. Quelle est la terminaison de l'imparfait dans ce cas, pour dire « je le vendais », par exemple? Lo vendevo. Lo vendevo, c'est ça. Vous avez retrouvé vous-même la terminaison de l'imparfait pour le verbe en ere. C'est evo pour je, evo, où on retrouve le e de l'infinitif, de vendere en l'occurrence. Et maintenant, comment direz-vous il le vendait, il au pluriel? Lo vendevano. Lo vendevano, bien. Redites-moi je le vendais. Lo vendevo. Lo vendevo. Et il le vendait au pluriel? Lo vendevano. Lo vendevano. Vendevano. On insiste sur le deuxième E, comme dans vendevo. Vendevo, vendevano. Lo vendevano. Comment dit-on il le vendait, il au singulier? Lo vendeva. Lo vendeva. Et comment diriez-vous « tu le vendais » ? Lo vendevi. Lo vendevi, oui. Et vous le vendiez, voi ? Lo vendevate. Lo vendevate, bien. Que donnerait « nous le vendions » ? Nous. Noi. Lo vendevamo. Lo vendevamo, oui. Maintenant, nous allons passer au verbe partir. Pour la forme qui correspond à je, les verbes en are ont une terminaison en avo. Les verbes en ere ont une terminaison en evo. Et les verbes en ire ont une terminaison en ivo. C'est ça. Alors, comment diriez-vous je partais? Partivo. Partivo, oui. Et il partait, il au singulier? Partiva. Partiva. Comment dit-on tu partais? Partivi. Partivi. Mm-hmm. Et il partait au pluriel? Partivano. Partivano. Dites-moi maintenant, nous partions. Partivamo. Non, on n'insiste pas au même endroit que pour il. Partiva. Partivamo. Partivamo. Oui. Partivamo. Et pour finir, comment dites-vous vous partiez à la forme voi? Partivate. Partivate. Tout à fait. Rappelez-moi comment on dit « je le fais ». Lo faccio. Lo faccio, c'est ça. Le verbe fare est l'une des quelques exceptions pour la formation du présent. Comment dit-on « ils le font » ? Lo fanno. Lo fanno, oui. Et comment dit-on « tu le fais » ? Lo fai. Lo fai, mm-hmm. Et « il le fait », comment dites-vous ça ? Lo fa. Lo fa, c'est ça. Et maintenant, vous le faites à la forme voi? Lo fate. Lo fate, oui. Et enfin, dites-moi, nous le faisons. Lo facciamo. Lo facciamo, bien. Maintenant, le temps des longueurs. Faire, au temps des longueurs, a gardé sa forme latine facere. Pour trouver « je faisais », il suffit de suivre la règle normale, mais en partant de « facere », un verbe en « ere » donc, au lieu de « fare ». Alors, comment direz-vous « je le faisais » ? Lo facevo. Lo facevo. Et comment dit-on « il le faisait » ? Lo faceva. Lo faceva, oui. Maintenant, dites-moi « il le faisait » avec « il » au pluriel. Lo facevano. Lo facevano. Et « nous le faisions », comment dites-vous ça? Lo facevamo. Lo facevamo. Il n'y a qu'un seul « m ». Lo facevamo. C'est ça. Et « vous le faisiez » à la forme « voi », ça donnerait quoi? Lo facevate. Lo facevate. Bien. Tout ça, c'est l'imparfait, le temps des longueurs, qu'on peut se représenter comme une ligne continue dans le passé. Je le faisais, ça peut être sur une courte période de temps ou bien pour une durée indéfinie, une très longue période. Dans tous les cas, c'est une ligne continue et c'est là qu'est la différence entre je le faisais et je l'ai fait, qui se dit comment déjà? L'ho fatto. L'ho fatto, c'est ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait ce matin, par exemple. L'ho fatto stamattina. C'est un point bien précis dans le passé. Tandis que dans « je le faisais ce matin », on se représente une ligne continue, l'action qui se déroule sur une période de temps. Comment diriez-vous ça, « je le faisais ce matin » ? L'ho facevo stamattina. Lo facevo stamattina, c'est ça. Par contre, comment direz-vous « je l'ai fait » ? Lo fatto. Lo fatto, un point dans le passé, à ne pas confondre avec lo facevo, je le faisais.